Dossier 8. Leçon 3. Les années lycées. Activité 7. Après ce flash info, nous allons poursuivre notre émission sur les années lycées. Et je me tourne maintenant vers Brigitte pour un nouveau témoignage. Brigitte, on vous écoute. Oui, eh bien moi, j'étais élève au lycée Hélène Boucher à Paris. C'était dans les années 60. À l'époque, le règlement était très strict. Je me souviens, par exemple, qu'on devait toutes porter des tabliers beiges avec notre nom cousu en rouge. Pas de maquillage, bien sûr, et on ne pouvait mettre un pantalon qu'avec une jupe par-dessus. Maintenant, mon petit-fils, qui a 12 ans, fait ses études dans le même lycée. Oui, à mon époque, c'était un lycée de filles exclusivement, il n'y avait pas de mixité. Et donc, il m'arrive de l'attendre à la sortie de ses cours. Je le vois bien, les jeunes sont plus libres qu'avant. Ils s'habillent comme ils veulent. En fait, ils sont tous en jeans, c'est leur uniforme. Et puis, les filles sont presque toutes maquillées. Avant, on nous interdisait de rester sur le trottoir à bavarder. Maintenant, ils forment des groupes bruyants et ils fument cigarette sur cigarette et tout le monde trouve ça normal. Personnellement, vous préférez l'ambiance actuelle ou bien l'ambiance que vous avez connue ? Je pense que c'est mieux de nos jours. Il y a plus de liberté, moins de contraintes. Il me semble que les jeunes sont plus heureux maintenant.